Chapitre 11e et dernier. Que l'âme humaine est variable, pensais-je. Est-il possible que j'aie changé en si peu de temps? Je faisais cette réflexion un dimanche matin, assis sous une tonnelle de verdure au bout du jardin, et je regardais le mouchoir de batiste que je continuais à porter sur moi, quand un grand éclat de rire me fit retourner. C'était Rodolphe, venu de Vienne sans nous prévenir pour passer la journée avec nous. Il m'arrache le mouchoir des mains, je veux le lui reprendre. Non, non, fait-il, c'est bien assez qu'il t'ait rendu malade une fois, tu ne l'auras plus, vilain songe creux. Il se sauve du côté de la maison où toutes ses sœurs étaient assises devant la porte. Je le poursuis, tremblant qu'il ne raconte à ces demoiselles l'histoire de cette pauvre Baptiste. Je courais fort, trop fort sans doute pour un convalescent, car je fis un faux pas et m'étendis par terre. Je sentis une violente douleur à la tête, puis plus rien. Quand je revins à moi, j'étais dans le salon, assis sur le sofa. Rodolphe me soutenait la tête, Fräulein Martha me bassinait les tempes avec de l'eau fraîche, et Rosa, toute pâle, présentait les compresses. Je me souvins rapidement de ce qui s'était passé, et voyant l'émotion de la jeune fille, je m'efforçai de sourire en disant que j'étais tout à fait bien. En effet, mon accident était peu de chose, une simple écorchure faite par une pierre sur laquelle mon front avait buté. Les compresses froides et un verre d'eau sucrée me remirent complètement. « Quelle peur tu m'as faite !» s'écria alors Rodolphe. « Et dire que c'est encore ce diable de mouchoir. Je te demande la permission de le détruire, car il est ensorcelé. »« Qu'est-ce que c'est donc, Rodolphe ?» demanda Fräulein Martha. « C'est ça, ma tante, » répondit mon malicieux ami en eximant l'objet. « C'est ce maudit chiffon qu'Édouard a pour ses péchés trouvé sur une montagne, et qui a été cause de tous ses malheurs, y compris la chute d'il y a un instant. » « Comment cela ?» demandèrent à la fois la tante et les nièces. « Parce que, je le répète, ce mouchoir est un talisman. » Sur sa seule vue, Herr Edouard est devenu amoureux de la dame qui avait perdu l'objet. Il la chercha, la trouva, et la dame ne l'ayant pas aimé, il devint malade et pensa mourir. Et c'est grâce à ma science et à mon amitié qu'il jouit encore de la clarté des cieux. J'étais fort mal à l'aise pendant cette explication, mais les signes désespérés que j'adressais à Rodolphe ne faisaient que l'animer davantage. « Hé !» s'écria tout à coup Thérèse qui avait examiné la broderie. « Regarde donc, Rosa, c'est justement le mouchoir que tu t'étais brodé l'année dernière et que tu as... »« Tais-toi !» fit Rosa. Mais il était trop tard. La tante avait pris l'objet et l'examinait à son tour. « Mais oui, » dit-elle, « on ne peut s'y tromper. Il n'y a pas deux personnes qui fassent le plus petit comme Rosa. »« Quoi ?» dit Rodolphe. « C'est toi, petite sœur, qui as brodé cet objet. Comment se fait-il »« Qu'il ne lui appartienne plus, n'est-ce pas ?» interrompit Fräulein Martha. « Je vais te le dire. »« De grâce, ma tante !» supplia Rosa. « Laisse-moi parler, petite. Il faut que cet étourdi apprenne ce que tu as fait pour lui. »« Rodolphe, ce mouchoir est sorti des mains de ta sœur parce qu'elle l'a fait vendre à Vienne avec toutes ses autres broderies, et devines-tu pourquoi ?»« Pour t'envoyer l'argent que je te refusais. »« Elle nous avait toutes priées de ne t'en rien dire. »« Et nous avons tenu parole jusqu'à ce jour, mais puisque l'occasion s'en présente, il faut que tu saches ce qu'elle vaut. » « Notre Rosa. Oh, ma sœur !» s'écria Rodolphe en embrassant la jeune fille. Et vraiment, il était ému jusqu'aux larmes. « Ma sœur, je voudrais... »« Bien, » fit gaiement Rosa, « pas de phrase. Tu cherches un compliment. Mais comme tu n'en as pas l'habitude, monsieur le persifleur, je pourrais l'attendre trop longtemps. D'ailleurs, à quoi m'en remercier? Les sœurs ne sont-elles pas créées pour réparer les sottises des frères et désarmer le courroux des oncles, tantes et autres autorités? Mais vous, monsieur Edouard, « dites-moi si mon frère ne plaisante pas, en attribuant cette Baptiste, brodée par moi, une influence fatidique sur vos destinées. »« Faut-il que je me repente sinon de l'avoir ouvrée, au moins de l'avoir mise dans le commerce ?»« Non, mademoiselle, ne vous repentez de rien. Ce mouchoir est un talisman qui m'a fait retrouver une amie d'enfance. Si quelques idées folles m'ont traversé la tête, la faute en est à moi et non à lui, et d'ailleurs je suis guéri, guéri à tout jamais. Et cette broderie, que j'ai gardé comme un souvenir de pure amitié, devient plus cher que jamais, à présent que je connais la main qu'il a semée de fleurs si merveilleuses. » Rosa sourit et parut satisfaite. Le soir de ce jour, je songeais longuement, contemplant avec respect ce fin tissu, où tant de points avaient été faits pour payer les folies d'un frère. Mon destin rembruni s'éclaircissait. Le talisman trouvé à Bade pouvait réellement me donner le bonheur, si... Mais voudrait-elle? Cependant, le congé qu'on m'avait accordé expirait. Il fallait reprendre le chemin de Vienne. Je n'avais point encore parlé, mais à l'air de Rosa, il me semblait deviner que mes sentiments trouvaient un écho dans son cœur. Nous nous séparâmes cependant sans trop de tristesse. Je devais revenir au milieu de l'été pour les noces des deux sœurs. Je revis mon élève avec un vrai bonheur. Toute la maison accueillit mon retour avec joie. On me félicita de ma belle mine et on voulut exiger que je ne fisse encore que de vivre. Mais ce n'était plus possible. Il faut, pour cette vie végétative, posséder l'indifférence du cœur, et ce n'était point mon cas. J'étais à Vienne depuis peu de jours, quand je reçus une lettre de mon parrain. Quoique je ne l'eusse averti de ma maladie qu'après la guérison, il s'inquiétait, craignant que le climat ou la manière de vivre ne convainssent pas à ma santé, et il me rappelait à Genève. Un de ses amis fondait un pensionnat de jeunes gens et désirait m'attacher à son établissement. Il fallait partir au plus tôt. C'était dans mon pays une position assurée. J'aurais dû être content, tout au contraire, je fus saisi de tristesse. Rosa voudrait-elle s'expatrier? Je fis part à Rodolphe de mes angoisses. Il badina d'abord, selon son habitude, puis il me fit espérer que tout pourrait s'arranger suivant mes vœux. « Tu ne déplais pas à Rosa, me dit-il, et tu plais aux sœurs, aux frères et à la tante, et quant à moi, quoique je te reconnaisse un penchant décidé au romanesque, je ne t'accepte pas moins les yeux fermés. » Que dirais-je de plus? J'écrivais à mon parrain et, autorisé par lui, je fis ma demande. Elle fut agréée. Dire comment se passèrent les jours qui précédèrent notre mariage, nos conversations, nos promenades, nos épanchements, je ne les saurais point. Ces choses-là se devinent et ne se racontent pas. Je partis en juillet, emmenant une aimable compagne et mon cher élève Gustave. Ses parents avaient consenti à lui laisser achever son éducation sous mes yeux. À Genève, je retrouvai Madame Müller. Elle fut heureuse de ma guérison et de mon mariage. « Je vous l'avais bien dit, » fit-elle en embrassant Rosa, « que vous trouveriez une femme bonne et charmante, vous en étiez digne. » Nous sommes heureux. Mon parrain, réjoui par l'aimable présence de ma femme et par ses tendres soins, semble rajeunir, et tout nous fait espérer que nous le conserverons de longues années. Gothon aussi, mon excellente bonne, est tout égayée par le sourire de sa maîtresse. Elle nous affirme que l'ouvrage lui pèse moins que jamais. Mademoiselle Charlotte, ma fidèle amie, est avec nous, heureuse aussi et toute fière d'apprendre les premiers mots allemands à notre Albert, un sérieux élève de tantôt 4 ans. Quant au mouchoir qui a eu sur notre sort une si grande influence, il est précieusement serré dans un coffre en marqueterie et nous comptons qu'il se conservera dans notre famille en passant toujours au fils aîné. Ainsi se termine Le mouchoir brodé par Berthe Vadier.